Mosaïque. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Mosaïque, aujourd'hui, c'est pour parler du rapatriement des réfugiés burundais qui sont hébergés dans les pays limitrophes pour la plupart et en Occident. La crise qui a débuté en avril 2015 a en effet occasionné un mouvement de déplacement de la population vers l'étranger. Les uns ont fui pour des raisons de sécurité, d'autres pour des raisons politiques ou judiciaires. Depuis un certain temps, les autorités gouvernementales et politiques ne cessent d'appeler les compatriotes en exil de rentrer au bercail pour construire leur pays avec les autres et continuer le dialogue étant au Burundi. Ici alors, il y a lieu de s'interroger. Ces appels ont été suivis de quels effets ? Y a-t-il un engouement pour les réfugiés à rentrer ? Sinon, pourquoi sont-ils réticents ? Y a-t-il des préalables qui doivent être faits pour qu'ils rentrent de l'exil ? Qui doit faire quoi ? Comment les rassurer ? Et bien d'autres interrogations encore. Pour tenter des réponses, quatre invités sont avec nous sur le plateau. Terence Nairaja, c'est l'assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers auditeurs, bonjour chers invités. Nancy Ninette Moutoni, elle est chargée de la communication au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Bonjour Nancy. Bonjour et merci de l'invitation et bonne fête de fin d'année à tous les Burundais qui nous suivent et à tous les compatriotes citoyens avec qui je vais partager le plateau ce matin. Il y a également Léon Sengendakumana, le vice-président du parti Sawanya Frodebu. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et puis nous sommes avec Faustin Dikoumana, président et représentant légal de l'association PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités. Bonjour et bienvenue. Merci de nous avoir invités. La mise en onde est assurée par François Akimana. Évariste Ndikobanyanga est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léonce Vitaliho. Encore une fois bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Mosaïque. Isanganiro. La première question, je l'adresse à vous, Terence Nailaja, du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui explique les appels incessants des autorités envers les réfugiés burundais, les incitant à rentrer ? À cette question, tout Burundais qui aime son pays a une réponse positive. Il est anormal que tous les Burundais soient à l'aise dans leur pays, et travailler pour le pays, dans la paix, et réaliser des activités quotidiennes pour chacun, alors qu'il y a nos compatriotes qui sont dans le cas des réfugiés. Vous savez, être réfugié n'est pas un honneur. Moi, je le fis, il y a plusieurs années, il y a quelques années. Quand on est dans un cas de réfugié, on est malheureux, on est déconsidéré, on n'a pas de droit d'exercer vos droits dans le pays. Et c'est comme un prisonnier, vous le savez très bien. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque nous sommes dans notre pays, dans la paix, dans la sérénité, alors qu'il y a nos frères qui sont là, nous sommes un peu gênés. C'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement fait un appel pressant pour qu'en fait de compte, nos chers Burundais qui ont quitté le pays puissent rentrer parce qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. C'est mieux qu'hier. Est-ce que vous estimez qu'il répond de présent à l'appel ? Bon, au moment où je vous parle, j'aimerais vous informer que depuis l'année 2015, d'abord, avant toute chose, j'aimerais informer les auditeurs et tous les invités que la question des réfugiés burundais ne date pas de 2015. C'est une problématique depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Souvenez-vous quand on a assassiné le président Rwagasore, il y en a qui ont fui le pays. Souvenez-vous en 1965. Quand il y a eu beaucoup d'affaires de solité, des élus, il y a eu des fuites, les gens qui ont quitté le pays. 72, je n'y reviens pas, ça a été catastrophique. 88, Negaye Malangara, vous en savez tous. 93, l'année 2015 aussi, suite à certains ennemis de la démocratie. Vous voyez ce qui s'est passé. Il y a eu des fuites de personnes dans les pays limitrophes. Alors, dans tout cela, j'aimerais vous informer que dans l'année 2000 jusqu'à l'année 2014, 573 082 Burundais ont été rapatriés officiellement en collaboration avec les pays dans lesquels ils avaient eu l'asile. Depuis 2000 ? Oui, jusqu'en 2014. À cette même période, plus de 45 000 Burundais ont été expulsés des pays limitrophes parce qu'ils vivaient dans ces pays de manière illégale, dans les villages. Ce sont des réfugiés, mais qui n'étaient pas dans les cas des réfugiés. Donc, à un moment donné, comme les pays ont dit, voilà, dans notre pays, maintenant, il y a de la paix, il faut que vous rentriez. Il est ramassé, il est metté. Mais il y en a qui sont retournés en exil en 2015. Bien sûr, moi aussi, j'ai retourné en 1993, alors que j'étais retourné en 1979. Au Burundi, mon cher ami, c'est pourquoi je vous dis que c'est une question problématique qui date de longtemps. Alors, pour l'année 2015, comme vous le savez, nous nous reconnaissons plus de 250 Burundais qui ont quitté le pays. 250 ou 250 000 250 000. Mais souvenez-vous qu'il y a plus de 100 000 qui sont déjà retournés. Mais la majorité de ceux qui sont retournés sont des Burundais qui n'étaient pas encore inscrits dans le cas des réfugiés. Nous avons plus de 100 000 qui sont ici. Et un très peu nombre de ceux qui ont quitté ces camps nouvellement créés, mais de manière clandestine. Nous avons eu des témoignages. Quand on a fait une descente en province Ngozi, c'était le porte-parole du gouvernement. Mais vous estimez à combien ceux qui restaient en exil? Autour de 250. Mais si vous mélangez ceux qui ont quitté le pays en 2015 et les autres qui n'étaient pas encore revenus, là, alors on peut atteindre même 300 000 à ce moment. Ouais. Permettez que j'aille au centre du CNDD-FDD. Nancy Ninette Moutoni, vous en êtes la chargée de la communication. Est-ce que vous estimez que les conditions sont vraiment réunies pour que les réfugiés burundais se trouvant dans divers pays étrangers puissent rentrer? Bon, d'abord, avant de parler des conditions favorables ou pas au retour de ces réfugiés, il faut d'abord analyser les motivations, parce qu'il y a plusieurs motivations, il y a plusieurs raisons derrière ce mouvement de réfugiés. Mais quand même, avant d'entrer dans le vif, de parler de ces raisons et des solutions qu'on peut apporter à cela, on doit d'abord faire savoir notre position par rapport à cela. Donc, chaque Burundais qui passe... même une seule journée à l'extérieur du pays, c'est une perte pour nous. C'est une perte pour nous, car sous le chantier du développement de notre chère nation, on a besoin de tout le monde, l'implication de tout un chacun est un préalable et même indispensable, car l'union fait la force. Et donc, nous avons besoin que tous ces gens rentrent au pays afin de contribuer à l'édification de cette nation. Donc, je disais tout à l'heure, il y a des solutions à chaque problème. Il y en a qui ont fui pour des raisons sécuritaires, car vous savez, il y a certains quartiers, surtout ici dans la mairie de Bujumbura, qui fief de l'opposition radicale, qui était en insécurité. Il y avait de l'insécurité dans ces quartiers, et c'est normal que des gens fuient, car ces personnes, les habitants de ces quartiers étaient enfermés chez eux, ils ne pouvaient plus vaquer à leurs activités quotidiennes, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, c'était invivable et intenable. Mais aujourd'hui, cette situation sécuritaire a changé. Cette situation sécuritaire a changé. La sécurité s'est nettement améliorée. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous appelons ces personnes de cette catégorie-là de rentrer. Il y en a aussi qui ont fui pour des raisons économiques. Il y en a qui ont fui pour des raisons économiques, certaines régions ont été frappées par la famine. D'ailleurs, nous saluons la solidarité des provinces pour certaines régions qui ont été touchées par la sécheresse et la famine. Et toutes ces personnes, ils doivent savoir qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis pour que ces questions soient levées. Et puis, il y a d'autres qui ont fui pour des raisons politiques, purement politiques, ou je dirais même qui ont fui car poursuivis par la justice. Ils ont fui la justice et donc ceux-là, ils doivent faire face à la justice. On ne peut pas fuir la justice car... Ils s'accusent de quelque chose ? Oui. Et puis, au sein de notre parti, nous sommes pour la justice. Nous ne pouvons pas asseoir à l'impunité. Et donc, à ce sujet, ils doivent faire face à la justice car ces actes-là ne peuvent pas rester impunis. Et donc, n'ont pas le droit de rentrer, ces gens-là. Ils ont le droit de rentrer et faire face à la justice. Ils doivent répondre de leurs actes car nous, comme parti... CNDD-FDD, nous avons été choisis parmi d'autres programmes politiques. Nous sommes redevables envers la population et la population a été lésée. Leurs biens ont été détruits, ils ont, des personnes de leur famille ont été tuées et tous ces actes de barbarie ne peuvent pas rester impunis. Donc, il faut différencier d'abord les catégories de personnes quand vous demandez les conditions de retour. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique peut être le moteur de ces mouvements d'exil? La politique, c'est le moteur et la solution aussi. C'est dans ce cadre, alors que j'ai dit qu'il y a un dialogue en cours et pas mal de questions ont été déjà levées. D'où on doit avancer positivement et appeler tout ce beau monde qui est allé à l'extérieur du pays de rentrer afin de contribuer au développement du pays et aux politiciens de rentrer pour se préparer aux élections de 2020. car nous entrons dans 2017, alors il faut nécessairement qu'ils viennent pour préparer le terrain pour les élections paisibles de 2020. Avant de continuer, permettez que l'on écoute ensemble un extrait d'interview téléphonique avec un exilé politique, joint au téléphone par Joseph Nsabiyabandi. Leonard Nyangoma, vous êtes un politicien burundais en exil. Ces derniers jours, les autorités burundaises appellent les réfugiés burundais, y compris les politiciens, à rentrer au pays. Comment avez-vous reçu cet appel? Cet appel est de routine. Je me souviens aussi du temps des régimes militaires. Ils ne cessaient jamais d'appeler les réfugiés de rentrer. C'était avant 93, avant les élections démocratiques de 93. Mais vous savez que j'étais ministre dans le gouvernement de Ndadaye, ministre ayant chargé notamment le rapatriement des réfugiés. Après la victoire, notre victoire en 1993, pratiquement tous les réfugiés, parce qu'ils ne répondaient pas aux appels des régimes dictatoriaux, tous ces réfugiés voulaient rentrer, je dirais, le même jour. Nous subissions tellement une pression, de telle manière que nous étions obligés de leur demander d'attendre pour qu'on prépare bien leur retour digne. Vous comprenez donc qu'on n'a pas besoin d'appeler les réfugiés de rentrer dans leur pays. Ils sont les premiers à savoir quand les causes qui sont à l'origine, qui les ont poussés à l'exil, ne sont plus là. Alors, avant d'appeler les réfugiés, les politiques, pas tout le monde est réfugié politique, si vous voulez bien, il faut d'abord voir si les causes qui les ont poussés à l'exil sont encore là ou ont été enlevés. Parmi les principales causes, vous le savez bien, c'est les tueries des populations, surtout des citoyens qui se sont opposés au mandat de Nkurunziza. Et pourtant, les tueries continuent. Le non-respect des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, et vous connaissez bien les rapports des différentes organisations des droits de l'homme, tant nationales qu'internationales, ils sont rédigés par des organisations neutres par rapport à la politique burundaise. Il faut enlever les obstacles qui empêchent les gens de rentrer. Tout le monde, chacun, nous aimons notre pays. Et dès que les conditions seront rétablies, certainement que les Burundais rentreront massivement. Vous faites mention également des rapports des organisations internationales sur les droits de l'homme, mais le gouvernement dit qu'elles ont travaillé sur de fausses données, que ce sont des rapports faux. Donc, c'est le gouvernement, le gouvernement qui permet de corriger des organisations neutres et indépendantes. Et ne sont pas internationales. Il y a des organisations neutres des droits de l'homme comme la Ligue ITK, la ProDH et d'autres, mais aussi la population. Les Burundais ont des yeux, ils ont des oreilles, ils entendent, ils voient ce qui se passe donc dans le pays. Est-ce que vraiment c'est par hasard que il y a plus de 8000 prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles, dans les prisons donc de Burundi? Les arrestations sont quotidiennes. Tout récemment, ils ont arrêté des militants de mon parti. Ça, je n'ai pas besoin des organisations des droits de l'homme pour le savoir. Est-ce que les autres réfugiés qui ont peur de rentrer ne seraient pas influencés par les politiciens qui ont des mandats d'arrêt, qui, eux, ont peur si jamais ils rentrent, ils risquent d'être arrêtés? Donc, vous voulez croire que les réfugiés, donc, ces centaines de milliers de réfugiés, je vous apprends que le mois dernier, le HCR comptabilisait plus de 325 000 réfugiés burundais à l'extérieur. Dire que tous ceux-là sont pris en otage par les politiciens, c'est un mensonge grotesque, je vois bien, c'est un alibi, donc ça ne vaut pas la peine même de commenter cela. Et ça, c'est se moquer de son peuple. Les politiciens, bon, si vous voulez, par exemple, moi j'ai quitté depuis 2010, comme vous le savez, mais comment est-ce que, par exemple, ils ont prouvé que Nyangoma est en train de pousser ou alors de maintenir des milliers de réfugiés burundais en Tanzanie au Rwanda ou des centaines de réfugiés à l'extérieur. Comment est-ce qu'ils prouvent que Nyangoma les maintient donc force, les maintient en exil force? Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de police pour le faire, et même si je les avais, je ne le ferais pas. Et je sais que les Burundais ne l'accepteraient pas. Il s'agit de Léonard Nyangoma, qui a dirigé la plateforme de l'opposition Sénared, joint au téléphone par Joseph Nsabiyabandi. Léon Sengenakumana, vous êtes de l'opposition politique. Bujumbura tranquillise et appelle les réfugiés burundais à regagner leur pays. Les exilés disent que ce n'est pas encore le moment. Un mot à dire? D'abord, c'est de vous remercier d'avoir organisé un débat sur un problème crucial. Un problème en rapport avec nos frères et sœurs qui sont dans des cas de réfugiés à l'extérieur du pays et qui vivent dans de très mauvaises conditions. Alors, appel, oui. Mais on les appelle sur base de quoi? Sur base de la situation qui s'améliore au jour le jour, c'est ce que disent le gouvernement, le parti au pouvoir. Comme la représentante du parti CNDD-FDD l'a bien dit, il faut d'abord examiner les mobiles de ces mouvements de réfugiés. Un peu partout en Afrique, il n'y a pas que le Burundi uniquement, un peu partout en Afrique, mais puisque c'est le cas du Burundi, parlons du Burundi. Pourquoi est-ce que depuis les années 1960, jusqu'aujourd'hui, à la minute où on est en train de parler ici, il y a toujours ces mouvements de réfugiés? Est-ce que les gouvernements qui se sont succédés dans ce pays n'ont jamais pensé à la planification, à la programmation des actions pour arrêter ces mouvements de réfugiés? Parce qu'un réfugié... Et vous avez été parmi les décideurs. Tout à fait. Moi, j'ai parlé de tous ces gouvernements, y compris nos gouvernements. Est-ce qu'on s'est réellement préoccupé de la vie de ces citoyens à l'extérieur du pays? Ou on se préoccupe uniquement des postes que nous occupons? Ça, c'est une grande question. Alors, moi, quand je regarde, je dis, on parle de beaucoup de catégories de réfugiés. Des réfugiés politiques, des réfugiés qui ont fui la justice, qui ont fui la sécurité, qui ont fui la faim, la misère, le chômage, qui ont fui des rumeurs, beaucoup de choses. Mais pour bien cadrer cette question, il faut obligatoirement et impérativement classer ces réfugiés en deux catégories. Lesquelles? Les réfugiés qui fuient la mauvaise gouvernance. C'est pas qu'il n'y a pas uniquement que les élections. On parlait d'élections qui fuient les élections. Il n'y a pas déjà qui fuient les élections. Ils fuient la mauvaise gouvernance dans le pays, la mauvaise gouvernance démocratique, économique, administrative et sociale même. Et d'ailleurs, le CNDD le sait très bien parce qu'il a même instruit dans son pays un monument où il dit que ce n'est pas l'ethnie qui tue, ce sont les mauvais pouvoirs qui tuent, qui entraînent la fuite des gens. Et moi, je suis d'accord avec ça. Et il faut qu'ils en soient conséquents. Alors, quand je regarde les mouvements de réfugiés dans ce pays, les plus importants sont en 92, en 88, et en 88, en 72, en 88, en 93 et en 2015. Et même en 2015, il y a 300 000 personnes. Parce qu'il a dit qu'il y a même des réfugiés qui ne sont pas connus. C'est une il a dit qu'il y a eu... Il y a M. Nahida Aja qui parle de 250. Il a parlé de... On va vous éclairer. On va quand même pas se livrer à cette guerre des chiffres. Non. On se convient qu'il y a des réfugiés. Peu importe le nombre. D'accord. Mais ils sont importants pour la reconstruction du pays. Voilà. Elle a dit. Deux, on se convient que la vie des réfugiés est une mauvaise vie, est une vie insoutenable, insupportable et inacceptable. Alors, du ministre, puisque on se convient sur ça, des réfugiés sont là, les raisons, on peut s'en passer. Ils ont des raisons, nous avons des raisons. Mais ce qui est très important, c'est parce qu'il y a des réfugiés et ils sont dans de très mauvaises conditions. Maintenant, parlons beaucoup plus des aspects de recherche et de solutions. Est-ce que la solution, c'est ce désappel uniquement? Est-ce que vous croyez qu'il y en a qui se réjouissent quand il y a des réfugiés? Je ne crois pas. C'est ce que nous avons constaté ici, tout le monde. Bon, il y a Foster qui n'a pas encore parlé, mais je ne crois pas qu'il soit convaincu. Mais nous trois, nous sommes déjà convenus que c'est très mauvais, c'est très grave, qu'on doit absolument trouver des solutions. Alors maintenant, est-ce que les solutions, ce sont des appels? Où c'est la planification et la programmation pour le retour de ces réfugiés? C'est là où je voulais qu'on discute. Ce sont des appels qui se basent sur des faits concrets. Pas des faits, sur un plan. Et on doit discuter de ce plan. Et il faut que le représentant du gouvernement nous présente le plan pour qu'on puisse faire bon. Permettez que l'on passe la parole à M. Faustin Likoumana, président représentant. Mais je dis qu'on ne s'éternise pas sur les mobiles ou sur les chiffres, mais qu'on parle des propositions de solutions pour sortir de cette Monsieur situation. Monsieur Faustin, la question c'est presque la même. Il y a des réfugiés burundais, des exilés politiques. Vont-ils rentrer bientôt à entendre les propos des uns et des autres ici? Moi, ce que je dois dire, d'abord, rentrer dans un pays après avoir été réfugié, se relève de son fort intérieur, même fuir. L'appréciation des conditions sécuritaires diffère des gens d'une personne à une autre. Mais d'une manière globale, quand une crise politique éclate, il y a des réfugiés qui fuient les conditions sécuritaires qui sont détériorées dans cette contrée. Parce que quand il y a une crise politique, il y a des détériorations de la sécurité, il y a des citoyens qui disent il m'est insupportable de continuer à vivre dans un endroit où il y a toujours des tirs nourris du jour au lendemain. Des citoyens ordinaires. Mais il y a d'autres qui sont des acteurs dans cette crise politique. Il faut avoir une différence. Quand on fait un appel, cet appel n'est pas reçu de la même façon. Et les reçus seront, les tempéraments seront le statut de la personne qui a fui. Deux, le gouvernement fait appel aux gens qui ont fui de rentrer. Il faut se convaincre d'une chose. Il est tout à fait légitime pour un gouvernement de faire appel aux réfugiés de rentrer. Le gouvernement doit le faire. Même si c'est un appel, il doit le faire. Ça serait même plutôt illogique si le gouvernement était en train de le faire. C'est ce que moi je dis. Parce qu'il y a des gouvernements dans l'OTAN qui donnaient des prétextes que le pays est petit et qu'ils refusaient les gens à rentrer, ça provoquait des catastrophes. Donc, au niveau de la paix, le gouvernement il doit refaire ses légitimes, c'est tout à fait normal. Mais il faut des mesures accompagnatoires pour que cela puisse être une réalité. D'abord, la sécurité physique. On ne peut pas dire aux gens de rentrer quand la sécurité physique n'est pas là. S'il y a des avancées, alors il faut cimenter cette sécurité physique par des mesures accompagnatoires, notamment le respect des droits de l'homme, le respect de la sécurité des biens des personnes, l'impartialité de l'administration, traiter les citoyens de la même façon, protéger vraiment les citoyens dans leurs droits. Surtout quand on est dans un contexte de démocratie naissante où les gens n'ont pas encore la capacité de gérer les divergences d'opinion des gens dans un environnement démocratique. Là, le gouvernement doit faire un effort. Si vous voulez la maximisation du nombre de réfugiés qui rentrent, il y a des impératifs qui incombent au gouvernement à mettre en application par rapport à cela. Mais au niveau des acteurs politiques, là, c'est autre chose. L'acteur politique, c'est quelqu'un en compétition. Vous parlez des mandats, peut-être l'acteur politique qui voulait aussi remplacer le président. C'est une compétition. Là, c'est autre chose. Là, c'est une compétition qui est ouverte, n'est-ce pas? Oui, dans une démocratie. Il faut faire la part des choses. Dans cette situation des acteurs politiques, il faut alors cet environnement de dialogue déjà tracé pour apaiser les esprits, pour qu'il y ait un consensus national. Le dialogue entre acteurs politiques. Politique, y compris au gouvernement, qui a été amorcé depuis. Et là aussi, la rentrée des politiques, c'est progressive. Un acteur politique peut juger, rentrer aujourd'hui, l'autre peut le juger demain, l'autre à la veille des élections. Ça dépend de la stratégie, ça dépend des conditions de son fort intérieur. Tout cela dépend. Mais il faut qu'au niveau global, le dialogue continue à apaiser les tensions des uns et des autres. Le dialogue favoriserait la rentrée, surtout au niveau des acteurs politiques. Mais s'il y a un citoyen ordinaire qui a fui la sécurité, j'ai incombé au gouvernement de faire tout pour que cette sécurité soit sauvegardée. Pour qu'au moins il vienne, il exerce son métier et il entend avec les autres États contribuer comment faire retourner le pays sur les rails. Mais au niveau des acteurs politiques qui doivent compétir, qui doivent faire, là il y a encore des choses à faire liées à ce dialogue pour apaiser les tensions entre les uns et les autres, pour renforcer ce dialogue, afin que si on allait organiser par exemple des élections, on les aurait dans des conditions normales ou apaisées. C'est pour cela que alors je dis que le statut des gens qui ont fui diffère et l'appel doit être traité ou répondit différemment. Oui, je vais retourner un peu chez l'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Nahiraja. Vous avez beau appeler les gens, les exilés, à rentrer. Votre appel n'est pas rassurant à entendre, du moins Léon Sengenakouma, Naafostan et même Léonard Nyangoma qui se trouve en été. Léonard Nyangoma et Léon Sengenakouma sont des politiciens, c'est leur langage. Des politiciens, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, et vous, il fit dans une équipe d'Ikibiri depuis 2010. Je le suis moi aussi. mais le langage que je tiens maintenant ici, c'est le langage du gouvernement, du ministère. Alors, Nyangoma et Léon partagent les idées depuis 2010, après avoir échoué les premières élections. Depuis l'avenir de la démocratie. Nous sommes les pères et les mères de la démocratie. Ils ont toujours une solidarité, qu'elle soit positive ou négative. Alors, vous dites que, en fait, c'est rassurant pourquoi nous voudrions rassurer l'honorable Léon, c'est l'honorable Nyangoma. Non. Il faut rassurer plutôt le peuple burundais et surtout particulièrement ses réfugiés. Le peuple est rassuré, vraiment. Dit au moins les réfugiés qui sont à l'étranger, mais les Burundais vraiment sont rassurés. Celui qui n'est pas rassuré a quitté le pays ou bien il fuit le pays. Ça, c'est normal. Alors, il y a d'abord les mobiles de fuite. Nous, au niveau du gouvernement, nous voyons que les mobiles qui ont fait que les gens fuient n'ont plus de raison aujourd'hui. Comme ils ont déjà cité certaines personnes, il y a le problème de sécurité qui peut être posé, soit par une crise politique comme la défausté ou un autre problème. Faustin qui a dit aussi qu'il faut un dialogue entre les acteurs politiques pour inciter davantage les... Vous commencez à... Vous voulez me débarrasser de la réponse de ma question, on va y revenir là-bas. Je suis d'abord aussi les mobiles de la fuite, n'est-ce pas? Léon, c'est Alessien, peut-être... Pour la plupart, on s'entend sur le problème de sécurité, tout le monde comprend. S'il y a une crise politique et sécurité, c'est normal qu'il y ait certaines personnes qui fuient le pays. Mais au niveau de la sécurité aujourd'hui, je vous ai dit que aujourd'hui c'est mieux qu'hier. Si on a la situation du Burundi, on analyse, on fait un regard rétrospectif de 2015 et 2016. Est-ce que c'est la même chose au niveau de la sécurité? Je pense non. Les indices sont là, tout le monde est clair. Alors là, c'est pourquoi nous disons, si c'était les MAC, vraiment, c'est lui qui juge bon de rentrer. Le gouvernement est prêt à le protéger, à le sécuriser comme les autres Burundais. Deuxièmement, il y en a qui ont fui parce qu'ils sont recherchés par la justice, accusés d'avoir trempé dans le coup d'État du 13 mai 2015. Ici, on a réhabilité pour que même ce studio ne soit pas... Mais ce qui s'est passé, on ne veut pas y revenir, n'est-ce pas? Alors, à ce moment, il y a certains putschistes qui sont recherchés. Ils ont fui au pays, c'est normal. Il y en a aussi quelques assassins qui fuient au pays. Il y a des gens qui commettent des dégâts dans les collines, qui commettent des violences et qui quittent le pays et qui vont se retrouver dans les cadres réfugiés. Il y en a qui sont là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des innocents? Les innocents sont multiples qui ont fui la sécurité. Mais je l'ai déjà dit. Mais il y a aussi un autre groupe, s'il vous plaît. Côté Tanzanie, je voudrais informer ceux qui nous écoutent. Il y a un bon nombre de Burundais qui avaient fui le Burundi en 1993, qui étaient dans les cas de Mutabila, d'Onduta et de Kanembwa. C'était en Tanzanie, mais les cas avaient été fermés. Il y a un groupe de personnes là qui étaient là. Moi, je les avais visités maintes fois pour les conseiller pour qu'ils puissent rentrer. Et la plupart, à ce moment, ont rentré au pays. Alors, ils avaient fait un interview pour aller vivre aux États-Unis. Ce projet a été suspendu alors qu'il y avait un grand nombre qui n'était pas encore parti et qui avait fait l'interview pour y aller. Alors, on a fermé les cas, ils sont rentrés au Burundi. Ils ont toujours gardé cette nostalgie de vivre aux États-Unis. Ils croient que c'est peut-être dans le ciel, je ne sais pas. Alors, toutes ces personnes-là dans les provinces de Rwimakamba, je connais des cas, je connais même déjà de la famille. Je connais quelqu'un qui a vendu la maison au début de cette année. Il est parti avec la femme et quand on est parti, on a dit « Où est-elle ?» Ils ont dit « Voilà ». Il est à Mutabila. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Ils disent qu'ils attendent que peut-être on peut réouvrir. Ils voudraient partir aux États-Unis parce qu'il y avait certains membres de famille qui sont déjà là. Et il y a un grand nombre dans les provinces de Makamba, Bururi et autres qui ont profité de l'occasion pour aller attendre le départ pour l'Amérique. Mais je pense que ce projet a été suspendu par le pays concerné. Donc, c'est aussi une motivation qui a fait que la plupart des Burundis ont quitté le pays en 2015. C'était l'occasion pour eux parce qu'on allait ouvrir un autre cadre réfugié qui n'existait pas à ce moment dans le pays donc d'asile. Un autre élément qui fait que les gens fuient le pays, ça peut être des prisonniers qui ont fui les prisons, qui fuient le pays et qui sont là. Mais tant que vous avez la parole... Alors, j'aimerais vous informer que tous ces éléments que je viens de citer ne sont plus le mobile qui pourrait empêcher les gens alors de revenir au pays. Voilà, c'est pourquoi, en fait, le gouvernement, comme la situation est bonne actuellement, on invite tout le monde à venir pour qu'à faire de compte, on construit le pays ensemble. You know, change, it's a radio man, Peter Simple, Hope Studio, Adam Hicks, Gunnar. Et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du rapatriement des réfugiés, des exilés politiques burundais se trouvant dans divers pays étrangers. Quatre invités sont avec nous sur le plateau. Terence Naïra Aja, assistante du ministre de l'Intérieur, Nancy Ninette Mutoni, chargée de la communication au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Léon Sengenakoumana, vice-président du parti Savanyafro-Debout, ainsi que Faustin Nikoumana, président et représentant légal de l'association PASEM. Avant de continuer, j'aimerais qu'on écoute encore une fois Léonard Nyangoma, ancien président de la plateforme de l'opposition Sénarep. Vous voulez surtout insister sur les remèdes, les solutions à tout cela. Les solutions, il n'y en a pas beaucoup et pour enlever d'abord ces obstacles qui empêchent les gens de rentrer. Il faut d'abord, dans un premier temps, qu'il y ait un dialogue inclusif entre les différents protagonistes politiques principalement. Et sur toutes ces questions, sur toutes ces causes qui sont à l'origine, qui a poussé donc les Burundais à l'extérieur. Et il revient au gouvernement de créer donc un climat d'apaisement, même avant ce dialogue. Le climat d'apaisement, c'est quoi? C'est d'arrêter la persécution contre les persécutions contre les citoyens paisibles, parce qu'ils ne réfléchissent pas comme le parti au pouvoir. Il faut libérer tous ces prisonniers, les 8000 prisonniers ou plus. Donc ça sera les premiers signes qui montrent, qui vont prouver qu'il y a la bonne volonté pour attirer les réfugiés à retourner dans le pays. Et ensuite, il faudra alors passer au dialogue, un dialogue, comme je le disais tout à l'heure, inclusif sur toutes les questions. Et les Burundais sont capables de s'entendre. Si qu'il y ait médiation ou facilitation ou pas, nous pouvons nous entendre, nous entendre ou nous rencontrer quelque part. Dans un pays, il n'y a pas de pays qui va nous refuser que les Burundais viennent nous discuter, dialoguer entre eux pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et ça, le dialogue est indispensable en politique. Chaque fois qu'il y a des problèmes, normalement, il faut trouver les solutions par la voie de dialogue. Et à travers le dialogue, le dialogue permettra le rapprochement des cœurs, le rapprochement des esprits. Je l'ai dit et je répète, dès lors que les conditions de vie normale seront rétablies dans le pays, avant et après les négociations inclusives à l'extérieur, bien sûr, du pays, le retour sera massif. Nancy Ninette Mutoni, au sein du parti CNDD-FDD, le parti au pouvoir, est-ce que ça ne vous dit rien s'il y a des Burundais qui restent toujours réticents à rentrer alors qu'ils sont en exil? Vous ne vous sentez pas gêné? Bon, disons, s'il n'y avait pas ce problème, nous ne lancerons pas l'appel que nous lançons. Donc, si nous Nous avons ce devoir de lancer cet appel à nos compatriotes de rentrer. C'est aussi pour leur donner une assurance supplémentaire en plus de la sécurité et qui s'est nettement améliorée et d'autres conditions qui vont avec. Donc, nous portons à cœur nos compatriotes. Ils doivent rentrer. Mais si vous voulez que je réagisse au propos de celui-ci qui vient de parler au nom du CNARED, je ne saurais faire de commentaire à ce qu'il a dit, tellement il y a des faussetés, mais aussi nous sommes un parti politique et réagir à des propos d'une association sans but lucratif de droit belge n'est pas approprié. Et donc, nous parlons des réfugiés et nous voulons que ces réfugiés rentrent au pays. Comme je l'ai dit au départ, il faut qu'ils rentrent construire notre belle patrie. Mais pragmatiquement, je pense que la question devrait être posée au gouvernement, représenté ici par vous, Terence Naïra Aja. Ouais. Pragmatiquement, ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? Il y a Faustin qui parle de dialogue, Nyangoma l'évoque également et dit qu'il faut créer un climat d'apaisement. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? D'abord, Pour mieux rassurer, je commence. Vous avez parlé du plan de rapatriement qui doit être là. Mais au niveau de la sécurité du gouvernement, au niveau du ministère que je représente, il y a déjà une direction générale et deux départements. C'est à travers ces éléments-là d'abord qu'on doit collaborer avec les différents partenaires, en l'occurrence l'OHCR, le ministère des Relations extérieures de la coopération internationale, ainsi que les ministères des pays concernés, des pays d'asile. Et vous êtes en contact? Bien sûr, c'est pour ceux qui ont déjà commencé. En plus, j'aimerais vous rassurer qu'il y a la protection des biens de ces réfugiés. C'est protéger leur maison, leur propriété. Désormais, depuis 2015, quelle personne ne s'approprie de la maison de l'autre parce qu'il a fui le pays? Quelle personne ne s'approprie de la maison de l'autre, de sa propriété ou de ses biens? C'est strictement interdit. C'est lui qui l'aurait fait ou qui le fera. Il devra être payé. Acquis de droit donc à la personne concernée. Et puis, quand vous parlez de Nyangoma, de dialogue, Nyangoma privilégie l'impunité avant même le dialogue. Quand vous parlez de 8000 prisonniers. Et qu'est-ce qu'il représente? Il n'y a pas 8000 prisonniers qui sont emprisonnés parce que depuis 2015. Vraiment, il faut être logique. Même si on vous parlait d'un nombre de Burundais qui ont été attrapés dans les manifestations et le grand nombre qui ont été libérés, ça c'est vraiment un mensonge. Si chaque fois que quelqu'un est sanctionné et qu'il faut le libérer pour faire le dialogue, quand est-ce que la criminalité va s'arrêter au Burundi? L'honorable Rose avait parlé de dialogue. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des Burundais qui soient contraints à l'exil et qui pourraient chercher à regagner le pays par force? Je vous dis ceci. Les dialogues ont toujours eu lieu. Les accords ont été signés. Mais ça a duré combien de temps? Au moins l'accord d'Arushala, qui fut l'origine de la constitution que nous avons aujourd'hui, guide le pays jusqu'à maintenant. Même si les Rose ne veulent pas l'accepter. Mais j'aimerais vous dire que, en fait, il faut que désormais l'impunité soit bannie. Il faut que le criminel, il faut que le péché soit puni. Et alors, vous me coupez la parole, je ne sais pas. Non, c'est pas question de vous couper la parole. Ah, d'accord. Mais si vous dites que vous savez déjà que Léonce ne sera pas. Il avait dit que la Roucha n'existait plus, mais il avait déclaré. Permettez qu'on lui passe. Dans une émission, on avait une émission ici, il a déclaré lui-même, mais ce n'est pas la première fois. Il a dit dans l'émission Mosaïque qu'on avait fait votre ici. Réaction. Dans tous les cas, ce que j'ai dit au début, je continue, j'insiste, qu'on parle beaucoup plus de la planification et de la programmation de cette activité par le gouvernement et qu'on donne des appréciations. Sinon, nous avons ce que nous pensons. Ce que Nyangoma a dit, c'est vrai. Jusqu'en 2010, tous les réfugiés burundais étaient rentrés. Ceux qui n'étaient pas encore rentrés, ils n'avaient pas besoin de rentrer. Ce n'est pas vrai. Ils n'avaient pas besoin de rentrer. Ce n'est pas vrai. Tous les réfugiés étaient rentrés, ce n'est pas vrai. Je peux te dire, ils n'étaient plus considérés comme de simples réfugiés contraints à rester en exil. Ils avaient d'autres raisons, comme celui-là que vous avez évoqué. Comme celui qui est parti aux États-Unis pour chercher une vie meilleure plus qu'ici. Il ne faut pas le considérer comme un réfugié qu'on doit obliger de revenir. Celui qui s'est installé en Tanzanie avec probablement un lopé de terre beaucoup plus important que celui qu'il a ici, il ne faut pas aller rechercher pour lui demander de venir. Ceux-là ne sont plus considérés comme des réfugiés contraints de rester en exil. Mais jusqu'en 2010, tout le monde était rentré. Alors maintenant, tout le monde, non. Ils sont repartis. Sauf ces catégories. Moi, je dois vous dire qu'après l'accord d'Arusha, on s'était convenu que tous les réfugiés doivent être rentrés. Et je sais que le CNDFDD a fait beaucoup de choses depuis 2005. Honorable, moi, jusqu'en 2010. Dans le secteur. Jusqu'en 2014, on avait toujours déjà qui rentrait au pays. que ça veut dire que les conditions n'étaient pas encore parlons remplies. Parlons de. Je concède que les conditions n'étaient pas encore remplies et je le sais. Et tout actuellement, même actuellement, il y a des réfugiés qui rentrent. Je sais pourquoi. Il y a des réfugiés qui rentrent. Alors, qui ont fui le pays alors, en 2015. Alors, moi, j'insiste, il ne faut pas qu'il fuient. Il ne faut pas qu'il fuient cette responsabilité. Donnez-nous la planification, la programmation, comme ça on fait une appréciation des commentaires. La planification est là. Oui, un peu. Dites-nous un peu pour qu'on soutienne. Même au niveau du budget d'OEA. Parlez-nous. Pour celui qui rentre, c'est peut-être la maison. Parlez-nous des grandes lignes. Mais dans le budget de l'État, on a inséré. Tout à fait. Qu'on doit couvrir au moins la bride de celui qui rentre. Quelles sont les grandes actions qui sont préconisées, par exemple, d'ici dans 3 mois? Les grandes actions qu'on voit, qu'on peut contrôler. Parce que si vous avez un budget. On a déjà commencé hier. Si vous avez un budget. Si vous avez un budget. Le budget. Léonce, je vous résume pour qu'on passe par okay, la d'accord. Mais il ne me laisse pas parler. Dès lors qu'il y a un budget. Ça veut dire qu'il y a un programme qui... En fait, un budget, c'est quoi? C'est le programme qui appartient chez les Burundais de les réintégrer. Ce n'est pas un programme nouveau, donc. Il y a la stratégie nationale qui était là. Écoute, c'est auprès d'un... J'ai la réponse, j'ai compris que rien n'a été... Rien n'est encore planifié et rien n'est encore programmé. J'ai bien compris. Non. J'en prends acte. C'est pas acte. Essayez de donner l'occasion à l'auditeur de bien saisir. Quels sont les grands éléments? Quels sont les grands axes de ce plan? Mais tu n'as pas permis que je le dise. Alors que tu m'as posé la question. Bon, ok, tu vas le dire, il va me donner. C'est pas moi qui donne la parole. D'accord. Alors moi, je dis, puisqu'il y a des causes de ces mois de réfugiés ici chez nous depuis 2010, je prends la période la plus récente, il faut en fait qu'on s'occupe de la résolution de ces problèmes qui ont fait que les gens retournent encore en Tanzanie, retournent encore au Rwanda, retournent encore en RDC. Si c'est la fin, il faut résoudre le problème de la fin. Si c'est la rumeur, je pense que dans ce plan, vous n'avez pas planifié quand même de les ramener à cause de la rumeur. Vous n'avez pas planifié d'amener les gens à cause de la rumeur, tout simplement. Il faut résoudre ça, si c'est la rumeur. Si ce sont des questions en rapport avec la politique du pays, il faut résoudre ces questions politiquement. Et moi, je suis de ceux-là, Fossel a bien dit, quand il y a une crise politique, il y a la détérioration non seulement de la sécurité, mais aussi de la confiance, mais aussi la détérioration de l'économie, la détérioration du système éducatif, la détérioration de tous les secteurs de la vie nationale. Il faut alors qu'on engage un véritable dialogue entre les acteurs concernés et étape par étape. Et de cette façon, on va rassurer ces gens-là qui sont dans les camps de réfugiés. De revenir. Mm-hmm. En fait, on ne compterait pas les gens de revenir. On planifie des activités, des actions, on les associe. Ils sont incités. Et on les associe. Et à un certain moment, ils viennent, c'est volontaire. Ils viendront volontairement. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à gaspiller de l'argent qu'on n'a pas, de l'argent qu'on n'a pas. Soit déjà qu'on va les voir qu'on sensibilise les six sigles. Il faut agir. Il faut agir. Et vous, monsieur Fortin Ndikoumana, à entendre les propos des uns et des autres ici, il y a le CNDD-FDD et le gouvernement via le ministère de l'Intérieur qui apparemment disent que oui, il faut que les Burundais rentrent, mais il y en a qui sont poursuivis. Ils peuvent même ne pas rentrer. D'abord, soyons réalistes et concrets. J'imagine que cette émission concerne les réfugiés de 2015. S'il n'y a pas d'amalgame de 1988, on risque de nous perdre. On se focalise sur ceux qui ont fui le pays en 2015. Alors, soyons réalistes et concrets. Pour le cas des réfugiés de 2015, moi, j'ai déjà dit en catégorisant les réfugiés. On ne peut pas dire que tous les réfugiés rentrent après le dialogue. Il y a des réfugiés qui peuvent rentrer avant même la fin du dialogue. Ça, vraiment, c'est possible. Mm-hmm. Il faut noter aussi qu'il y en a qui rentrent, qui sont déjà ici, qui sont déjà rejoints. Je continue. Donc, si j'ai dit la catégorie des réfugiés qui ont fui la sécurité, ordinaire, sans être impliqués, neutres, qui sont là, qui peuvent rentrer puisque la sécurité s'améliore. Ça, c'est un. Deux, bien sûr, il faut que le gouvernement fasse cet appel. Trois, je dis bien que le gouvernement doit poser des actes concrets vis-à-vis de tous ces gens qui rentrent. Il y a l'impasse de l'administration, il y a la protection des gens, des droits de l'homme, pour que vraiment les gens se sentent en sécurité. Là, c'est quelque chose de très fondamental, surtout qu'on est ici ensemble avec le représentant du ministère de l'Intérieur, qui doit garantir l'impartialité, la neutralité de l'administration dans le traitement des questions politique, surtout dans un contexte de démocratie naissante. Comment gérer les divergences? Parce que c'est un réfugié aussi qui vient. Il peut venir garder la même opinion politique. Il faut qu'il se sente en sécurité en maintenant sa même purée politique. Si une fois il n'est pas entré, de s'investir dans des actes de déstabilisation. Mais l'opinion divergente doit être garantie. Ça aussi, c'est un facteur stimulant pour les refuser. Donc, un clin d'œil au gouvernement et au parti au pouvoir. Il y a des gens qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans la crise. Mais des simples aussi ordinaires qui ont été impliqués, qui ne sont pas les 34, qui ont dit les acteurs 34, qui ne sont ni putschistes, ni mais qui sont des citoyens qui auraient manifesté, mais qui ont fui, suite dit, moi j'ai manifesté un jour, peut-être mon camarade de manifestation, il a été arrêté, il est à Mimba. Il peut dire, si je rentre moi aussi, quelque part je suis arrêté. Il faut quand même dire la vérité. Il et peut donc, craindre. Alors, et vous soutenez que dans que ce des cas, gens fuient la justice. C'est le gouvernement qui je vous dis, c'est le gouvernement qui juge le sort à réserver à ces gens dans ces conditions. C'est pas le gouvernement. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Je vais terminer, Nancy. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, Nancy, le magistrat suprême, c'est le président de la République, tu le sais. Le président de la République peut amnistier quelqu'un, même si la justice l'a condamné. Ça dit ce que ça dit. Le président de la République peut laisser tomber les poursuites contre quelqu'un. Ça dit ce que ça dit, c'est le temps de faire. Donc, ça relève du gouvernement à juger ça. Je vais faire rentrer les gens, mais les inputs pour les faire rentrer, ce sont ceux-là. Parce que déjà, ils doivent craindre. Ce n'est pas dire que si on amnistie quelqu'un, que la justice ne fonctionne pas. C'est une décision politique liée à une volonté d'asseoir la paix ou la réconciliation dans un pays. Abdelaziz Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a réussi la réconciliation et la paix en Algérie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété une amnistie pour les islamistes quand il est revenu au pouvoir. Et les choses sont améliorées. C'est une décision hautement politique qu'il a prise, mais qui a garanti la paix à côté. Vous vous souvenez en 1988, avec Ntega Marangara, quand les gens ont fui au Rwanda, le gouvernement Buya Sibomana a directement pris toutes les mesures pour faire entrer les refuges. Les gens disaient, c'est eux qui ont pris les machins, vous faites entrer les criminels. Les gens, moi, ma politique, c'est de faire rentrer les refuges. Les acteurs, on pourrait dire qu'on peut les acteurs, mais ces simples paysans citoyens doivent rentrer sur les collines pour garantir la sécurité. Ça a été sa politique. Ça a été sa politique, dire pour faire rentrer. Parce qu'aujourd'hui, on dit, on veut faire rentrer les refuges. Mais ça dépend de la politique du gouvernement. Moi, je dis ce qui peut être fait pour maximiser le nombre de refugiés. Parce que tout à l'heure, M. Terrasse disait 34 personnes sont seulement poursuivies par la justice. Quand on a commis de refugiés. Si au moins les autres rentrent, et les 34 restent, quand même, ça serait déjà un pas. Si tous les refugiés rentrent, sauf les 34, on parle de 200 combien mille. Si 280 combien rentrent, sauf les 34. Les 34 qui ont peut-être concerné par les autres décisions, c'est là où, dans ce dialogue qui est annoncé avec le médiateur, c'est là où peut-être ces choses peuvent être des gants. Mais tu ne peux pas me dire que tout le refugié doit être pris dans le même sac. Un jeune qui aurait fait ceci à cet citoyen peut décider, je vous amène. Tu viens, on construit le pays, c'est un conseil que je donne au gouvernement. Mais si vous dites 34, peut-être vous pouvez parler ça au moment du dialogue et ça se décante. Si l'amnistie viendra tôt ou tard avec les autres pour construire un pays paisible, on pourrait arriver à cette étape. Mais sinon, ce sont les petites mesures qui peuvent être prises. Je ne dis pas que je donne, mais ce sont des exemples que je montre qui se sont produits ailleurs, qui ont créé un tonus supplémentaire dans cette politique. Non, si. Au sein du parti CNDD-FDD, vous êtes pour ces conseils prodigués par CEM. Nous avons notre politique et nous avons aussi de la tolérance et de l'ouverture à écouter des conseils constructifs que nous prenons en compte quand nous décidons de telle chose ou de telle autre. Que des gens disent qu'il n'y a pas de mesures qui ont été prises pour à l'encontre, par exemple, des jeunes. Ce serait faux, car nous avons assisté à la libération, à la relaxation de certains jeunes. Après analyse, par la justice toujours, c'est le corps judiciaire qui analyse et qui dit « Ok, telle personne, ces personnes-là peuvent être libérées. » Ce n'est pas à nous, les politiciens, de polémiquer ou de faire de l'amalgame à propos de la libération ou de l'amnistie des uns et des autres. Mais quand même, ce que nous, du côté politique, on peut faire, et de très important, sont les messages. Ce sont les appels que nous envoyons à nos militants dans les collines, même ici en ville. Nos militants, qu'est-ce que nous devons leur dire pour favoriser le retour des réfugiés? Quel message doivent-ils entendre de nous et quel message ils reçoivent de nous? C'est très important. Car le message que nous lançons à la population, aux militants de notre parti, c'est un message d'accueil, un message d'apaisement, un message de fraternité, un message de solidarité avec ces réfugiés. Quand ils retournent, ils doivent les traiter d'une manière humaine, fraternelle, et leur montrer qu'ils avaient fui de fausses raisons ou que la situation a changé. Et c'est ça de très important que nous devons faire en tant que politiciens, sont les messages que nous donnons. Car si certains politiciens continuent à dire que rien n'est fait, qu'il n'y a rien qui marche, c'est quel exemple? C'est quel exemple qu'ils donnent à leurs militants? C'est le message qui va inciter leurs militants dans les collines, dans les quartiers, dans les rues de Bujumbura, qui va les inciter à plus de violence. Nous devons donner des messages apaisants, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous devons donner des messages rassurants et des messages inspirant un changement positif. Des messages rassurants, inspirants, un changement positif au sein du parti Sahraoui, Sahraouien Front Debout, Léon Souleyna Nakouma. Les messages peuvent être rassurants. Moi, j'ai vécu tous les gouvernements, sauf le gouvernement. J'ai vu tous les gouvernements, sauf le gouvernement Djombero. Mais les autres, je les ai vus. J'ai vu les gouvernements Bagaza, Bouyoya, 1-1-2, Dataye et la suite. Tous ces gouvernements ont toujours parlé dans le langage habituel de la paix, de la sécurité, de la fraternité, de la solidarité, de la sécurité qui règne sur tous les toits. Les gouvernements sont toujours comme ça. Ce n'est pas uniquement au Burundi. Alors maintenant, Foster l'a bien dit. Il a dit, bon, c'est vrai, les appels. Mais où sont les mesures d'accompagnement? Parce qu'il reste toujours sur les appels. Est-ce que ce sont ces mesures, ces appels sont à la fois... Et ce sont quelles mesures que vous proposez, vous? Nous proposons un dialogue pour résoudre la question de fond, le rejet de l'accord d'Arusha et de la Constitution, qui a généré tous ces problèmes. C'est une question politique qui doit être résolue politiquement. Ce ne sont pas uniquement des appels. Et nous avons un plan pour ces négociations. La question est lancée au gouvernement. Vous avez entendu, M. Terrence, les propos de Forstan Dikoumana au sein de Parsem, au sein du Front Debout aussi. Il faut faire en sorte que vous puissiez maximiser le nombre de réfugiés qui rentrent au pays. Merci beaucoup. L'honorable Léo s'est posé la question. Les appels sur base de quoi, n'est-ce pas, honorable? Oui. Je vous donne la réponse. Primo, la première cause de la fuite, c'est la sécurité, bien sûr, quand il y a eu la crise politique. Mais la crise politique qui a été provoquée par ces mêmes politiciens de l'opposition radicale. Honorable Léo, c'était parmi les politiciens qui disaient, voilà, les élections ne peuvent pas avoir lieu, c'est impossible, c'est pas bien préparé, mais les élections ont lieu. Ils disaient, voilà, il y en a même qui disaient que tout ça. C'était pour montrer qu'il est parmi les responsables de la fuite de ces Burundais qui ont fui le pays en 2015. D'abord, il n'y a pas d'opposition radicale. Il faut que le gouvernement emprunte le même langage. Je voudrais d'abord vous rassurer, vous tous, que la sécurité, maintenant, le motif de la sécurité, maintenant la sécurité, vraiment, il y a une grande évolution, c'est la première chose. Et le gouvernement a tout fait pour qu'il y ait de la sécurité dans le pays. Deux, il y a le logistique qui fait son travail et qui continue. Après tout, les 34 qui sont poursuivis, il faut que nous le logistique travaille. Pourquoi? Si les gens ont l'habitude de faire des coups d'État, disent que voilà, si je fais le coup d'État, on va m'amnistier, on va dialoguer, c'est un problème. Ça montre même, ça dit les réserves dans les accords d'Arusha. Il y a certains politiciens qui étaient là, mais qui n'acceptent pas l'accord d'Arusha parce qu'ils ont mis réserves. Et ces mêmes politiciens, quand on expliquait la constitution à la population pour qu'elle puisse faire le référendum, ils disaient, votez non. Ça, on le sait très bien. Troisièmement, il y a le ministère chargé de la patrimoine qui a déjà fait beaucoup de choses. Il est en train de collaborer avec ses partenaires. Maintenant, où je vous parle, il y avait auparavant une stratégie nationale d'orientation des réfugiés et d'autres vulnérables qui datait de 2000 jusqu'en 2014, qui a été expirée. Maintenant, il y a une autre stratégie nouvelle qui est en cours. Il y a le PNUD, le ministère que je représente, le ministère des Chefs d'Affaires Sociales, et le dossier avance très bien. Maintenant, ça a été validé, il y a un atelier dernièrement. Très bientôt, il sera transmis au Conseil des ministres, qui remplit toutes les conditions, tous les moyens que le gouvernement va dépenser. Comment on va recevoir nos réfugiés, comment les réintégrer dans les propriétés. Ça fait que dans ce document, on avance très bien. Troisièmement, pour ceux qui sont déjà là, il y a le HCR qui a déjà débloqué des fonds en collaboration avec le ministère. On a déjà identifié dans les provinces de Kirundo, de Makamba. Il y a bientôt les Burundis qui se sont rapatriés déjà à qui on veut donner les tolls pour chaque ménage. C'est une vérité. Il y a le COPED qui a gagné le marché. Si vous n'êtes pas informé, l'acceptez. Mais je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en train de se faire pour pouvoir aider nos frères Burundis qui rentrent. Et il faut que les autres qui nous entendent puissent aussi décider de rentrer. Il y a aussi un contact permanent avec la Tanzanie pour café de compte et offices d'accueil. Au moment où je vous parle, on a déjà donné le marché à une ONG qui va construire un centre de rapatriement d'accueil. Le premier avait été démoli parce qu'on avait semblé clôturer le rapatriement. En fait, c'est en commune de Mabanda à Moussigny. Les fonds sont déjà là. Le Français a donné un marché. On veut de construire un centre d'accueil. C'est-à-dire que le processus avance très bien pour que nos frères qui arrivent, on commence. Vous savez, il y a la cinéma, il y a des centres d'hébergement temporaires. En attendant qu'on les transporte chez eux, il faut qu'ils se trouvent là où vivre. On est en train de le faire, en fait. Monsieur l'honorable, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de se faire en cette matière. Ensuite, ce qui reste, c'est vous les politiciens. Si vous, honorable, vous dites que la constitution a été rejetée, si vous dites que l'accord d'Arusha a été rejeté, c'est une ironie pour ceux qui nous écoutent. Il y a eu des élections conformément à la loi. La justice burundaise, même étrangère, a déjà statué. Il y a un gouvernement légitime et c'est très normal au gouvernement légitime d'appeler les Burundais de rentrer au pays. Vous avez parlé d'un dialogue véritable. Pour l'honorable Léonce, le dialogue intérieur, il est faux parce que ce n'est pas lui qui l'a commandité, peut-être. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accord. Vous informer il n'y en a même pas les conditions. Le dialogue intérieur a eu lieu. Il vient de se clôturer. Il y a le rapport qui est en train d'être préparé. Il y a même les politiciens burundais qui ont contribué pour ce dialogue. Ils ont sorti même une résolution. Il y a le dialogue extérieur qui, même bientôt, au mois de janvier, j'espère que vous serez à Arusha pour pouvoir compléter les propositions de la population dans ce rapport. Est-ce qu'avec tout ce que vous énumérez, oui. Est-ce que vous croyez concrètement que ça va rassurer les gens en exil afin qu'ils puissent rentrer massivement? Écoutez, mon cher, ce n'est pas tout le monde qui doit l'accepter, c'est la démocratie. Même quand il y a eu des élections, même aux États-Unis, on dit, et on a vu les élections, Obama, vous imaginez, à qui on prenait comme modèle. Ils ont tenté de répéter les élections dans une région. Trump a eu deux voix plus qu'il avait eu, et ils ont suspendu le processus. Celui qui veut accepter, peut l'accepter, chacun a son appréciation. Le processus de l'honorable Léos n'est pas le processus du gouvernement, n'est pas le processus de vous-même, mais de tout le monde. C'est ce que je disais, c'est son droit de le dire, mais ce que je vous dis, voilà où est-ce qu'on en est pour que nos chers Burundais puissent rentrer au pays. Et pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas avec tout ça? Mais ils rentrent, mais Léonce, il y a déjà 100 025 personnes qui sont déjà ici. Qu'est-ce que vous voulez? Allez vérifier. Est-ce qu'il y a des tonnes qui vont être distribuées aux gens qui sont venus? C'est une vérité que je vous dis. Acceptez qu'un jour on monte ensemble pour visiter ceux qui sont venus. Comme ça, vous allez dire Terrence, voilà, ce Terrence qu'il a dit. Terrence Naïdaja, merci. Merci de votre participation à l'émission. Merci de votre contribution. Merci, monsieur le journaliste. Merci, chers auditeurs. Et vous les invités, je vous remercie. Merci également à vous, Nancy Ninette Moutoni. Je rappelle que vous êtes la chargée de la communication au sein du parti CNDD-FDD au pouvoir. Merci de votre contribution. Merci aussi, chers journalistes, de nous avoir invités. Et en tout cas, en guise de conclusion, le parti CNDD-FDD réitère son appel aux réfugiés de rentrer. Construire ce beau pays, mais aussi appelle toute la population, les journalistes compris, à adopter un langage citoyen et positif qui favorise le retour de ces réfugiés. Merci. Merci également à vous, Faustin Nikoumana. Je rappelle que vous êtes le président de PARCEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Merci de votre contribution. Merci aussi tout en appelant au leadership politique d'être beaucoup plus responsable et au gouvernement de multiplier justement ces gestes et d'en faire la publicité nécessaire pour qu'on voit concrètement ce qui est en train d'être fait pour rassurer les uns et les autres à rentrer. Et merci à vous, Léonce Ngendakoumana. Je rappelle que vous êtes le vice-président du parti Savanya Frodibou. Merci dans tout ce que le représentant du ministère de l'Intérieur vient de développer. Il y a tout, sauf la création de l'environnement pour le retour des réfugiés. Et c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle merci portait beaucoup sur le rapatriement. La mise en onde était assurée par François Akimana, Evariste Nzikobanyanga à la réalisation. Et au micro, vous étiez avec Léonce Vitaliho. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.